franceinter.com. C'est une alternance de chaud et de froid. Et en ce moment, c'est le froid qui domine. Je veux parler des relations entre la Chine et les États-Unis. Le froid parce que Washington a annoncé son intention de vendre pour 6 milliards de dollars d'armes à l'ennemi de toujours, Taïwan. Cependant, il convient de relativiser. Les économies états-uniennes et chinoises sont désormais tellement dépendantes l'une de l'autre que la brouille actuelle, comme les précédentes, finira rapidement par s'apaiser. Même si de plus en plus les Chinois, conscients de leur puissance grandissante, n'hésitent plus à provoquer durablement leurs meilleurs adversaires. Il est toutefois un domaine beaucoup plus discret qui demeure un foyer permanent de tensions et provoque même de véritables poussées de fièvre aux États-Unis. Celui de l'espionnage et du pillage technologique et scientifique systématique auquel se livreraient les services de Pékin. Certains spécialistes estiment même que depuis l'implosion de l'URSS, les officines de contre-espionnage n'ont jamais eu à faire face un tel défi. D'autant que le renseignement chinois semble avoir trouvé de nouvelles méthodes de collecte. On aurait pu affaire à des agents classiques, des professionnels, mais à des myriades de collaborateurs, des étudiants par exemple, qui, l'air de rien, soutirent des informations apparemment sans importance à leurs relations. Autant de précieux renseignements qui, une fois triés et rassemblés, permettrait aux analystes de Pékin d'avoir une vue d'ensemble dans un domaine particulier. Mais cette pratique inédite n'a pourtant pas mis un terme à des manœuvres plus classiques. En témoigne l'histoire récente de la très énigmatique Katrina Leung, une charmante chinoise exilée aux États-Unis qui, grâce à ses talents très spéciaux, a réussi à circonvenir deux agents du FBI et a causé d'importants dégâts au sein des services états-uniens. Monsieur X ouvre ce dossier qui n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Ils ne font rien, ils se situent. Ils sont consultants ambigus des hydres multinationales. Pas de nom que des initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins banquiers, simples canailles. Pas de nom et pas de photos. Leurs sociétés sont étrangères, plus compliquées est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau, il sentait bon son Lugano. Mon mercenaire. Les politiques, drôles d'oiseaux, prennent toujours pour plan de vol les bulletins de la météo. Ils vont toujours où il fait beau. Il fait beau dans les audimats, dans les sondages du Figaro. Il fait très beau chez la misère et dans les œuvres humanitaires. Il fait beau sur les droits de l'homme, il fait beau chez l'intégration, le plein emploi, l'immigration, on se les gèle dans le pognon. Politiquement, leurs idéaux sont très ciblés sur deux critères, entre Mad Max et l'abbé Pierre. Pas de nom et pas de photos, leurs sociétés sont étrangères, plus étonnant est le réseau qui les réunit entre frères. « ils ne font rien, ils se situent. Ils prennent, ils se gavent, ils se tuent. Trivialité derrière les mots, la réussite dans les crocs. Ils sont là à tous les niveaux, c'est le règne des troisièmes couteaux. L'histoire a fait grand bruit et je suis sûr que vous vous en souvenez. En 2001, le numéro 1 chinois, Jiang Zemin, prend possession d'un Boeing spécialement aménagé. Un appareil construit aux États-Unis, donc. Évidemment. Mais tout au long de la fabrication de cet avion présidentiel, des fonctionnaires chinois ont été présents. Or, le Boeing est-il à peine arrivé en Chine que l'on s'aperçoit qu'il est truffé de micros discrets et sophistiqués qui auraient pu transmettre les conversations dans la cabine directement à un satellite. Et c'est le scandale. Ah, forcément, et ça tombe très mal parce qu'un sommet sino-américain doit avoir lieu quelques semaines plus tard. Mais bien sûr, après échange de quelques mots doux, les esprits se sont calmés. Toutefois, là n'est pas le plus important. Ce qui a tracassé les Américains, c'est l'origine de la fuite. Ouais, parce qu'il y a eu obligatoirement une fuite. Oui, les services de détection chinois n'auraient pas dû découvrir ces micros. En tout cas, pas aussi vite. Et c'est là où intervient la mystérieuse Katrina Leung. Car c'est elle qui a informé ses maîtres chinois de la présence des micros. Mais on ne l'apprendra que plus tard, lorsqu'elle sera enfin démasquée en 2003. Auparavant, pendant presque 20 ans, elle a abusé les services secrets américains. Une vraie performance, non ? Bon, si vous voyez les choses ainsi, pourquoi pas, hein. Plus sérieusement, là, pouvez-vous dérouler le curriculum vitae de cette espionne exceptionnelle ? Mais d'abord, est-ce ou était-ce le genre femme fatale ? Bah, écoutez, moi je n'ai vu que des photos ou des films. Katrina est certes plutôt charmante, mais ce n'est pas une vampe. Disposait peut-être d'autres arguments de séduction ? On peut l'imaginer. Alors, son curriculum vitae ? Ouais. Bah, d'après ce que l'on sait, ou ce qu'elle a bien voulu confier aux enquêteurs, elle serait née à Canton, en 1954. Et ce prénom étrange, enfin, pour une Chinoise, là. Katrina ? Ouais. Bah, un prénom qu'elle a adopté lorsqu'elle est arrivée en Occident. En réalité, elle s'appellerait Man Ying Shan. Enfin, peu importe. Elle et sa mère, qui n'était peut-être pas sa mère, mais sa tante. Décidément. Oui, rien n'est vraiment clair dans cette histoire. En tout cas, elles ont dû faire un détour avant de s'exiler, car à leur arrivée aux États-Unis, toutes deux étaient en possession d'un passeport taïwanais. En quelle année, ça ? 1969. Katrina est inscrite dans un lycée de New York où elle fait de bonnes études. Et la mère ou la tante ? Bah, elle épouse un citoyen américain. Katrina, elle, après le lycée, s'inscrit dans une université réputée. Cornell. Ce qui signifie qu'elle disposait de quelques moyens financiers. Et que veut-elle faire à Cornell ? Des études d'ingénieur. Puis après avoir passé son diplôme, elle s'inscrit à l'université de Chicago, où elle obtient un MBA. Brillant sujet, hein ? Oui, entre-temps, elle est devenue résidente permanente et s'est mariée avec un étudiant chinois rencontré à Cornell, Cam Leung. Jusque-là, rien à dire, ou presque. Hein. Parce qu'il serait quand même intéressant de savoir comment elle et sa pseudo-mère ont réussi à quitter le territoire chinois. Ah, hein. Ça, désolé, n'en sais pas plus. Mais je suis d'accord avec vous. Parfois, les Chinois jouent avec beaucoup de coups d'avance. Mais reprenons. À Chicago, Katrina fréquente la communauté chinoise. Et parmi ces gens, il y en a plusieurs qui intéressent beaucoup le FBI. Quoi, des espions ? Bon, en tout cas, des gens à surveiller. Et notez-le bien. Lorsque le couple Leung va partir pour Los Angeles, il élira domicile dans une résidence où, là encore, les agents locaux du FBI soupçonnent la présence d'espions de Pékin. J'imagine que Katrina Leung va pas tarder elle-même à faire partie des gens à surveiller. D'autant que cette jeune femme, très industrieuse, crée une entreprise d'import-export suspectée de se livrer à des transferts illégaux de technologie à destination de la Chine. Mais plutôt que de mettre fin à ses activités illicites, le contre-espionnage américain va lui proposer une collaboration. Ah oui, en échange de l'abandon des poursuites dont elle pourrait faire l'objet. Bien entendu. Donc c'est vrai, Katrina n'a guère le choix. Par conséquent, elle donne tout de suite son accord à l'agent spécial du FBI, un certain James Smith, qui lui propose ce marché. Un mot sur cet agent dont nous allons beaucoup parler. Hein. Bah, il est unanimement considéré comme un crack dans son domaine. Vétéran du Vietnam, il est agent spécial du FBI depuis une bonne dizaine d'années et est affecté au prestigieux bureau de Los Angeles. C'est à lui que l'on confie les affaires les plus délicates. Et La parenthèse est intéressante. Au moment où il recrute Katrina Leung, il est en train de confondre l'un de ses collègues qui, chargé de surveiller une espionne du KGB, a fini par la mettre dans son lit. Mais je vois où vous voulez en venir. La Smith, lui aussi, va succomber au charme de sa recrue. Exactement. Katrina et lui ne tardent pas à devenir amants. Et ce faisant, James Smith commet une grave faute professionnelle. Ah bah, c'est évident, ouais. Il ne va pas être le seul à faillir. Un autre agent du FBI, un nommé Cleveland, fils de l'ancien bras droit du redoutable Edgar Hoover, tombe lui aussi dans le panneau. Chargé d'enquêter sur un Chinois qui est dans le collimateur de l'agence, il entre en contact avec la jeune Katrina. Et finit dans son lit. C'est tout à fait ça, oui. Katrina Leung a donc maintenant deux amants qui sont aussi des agents du FBI. Ça, c'est pas ordinaire. Hein. Et le plus étonnant, c'est que la fine mouche se débrouillera toujours pour que ni l'un ni l'autre ne soupçonne la vérité. Elle continue à croire être le seul, donc. En fait, il y a un mari aussi. Bah, celui-là, apparemment, on ne s'en soucie guère. Ouais. Et quel service, autre que sexuel, la jeune chinoise rend-elle ? Bah, écoutez, elle est chargée de collecter des informations sur les Chinois qui se sont installés aux États-Unis. Éventuellement, donc, de voir s'ils se livrent à des activités d'espionnage. Naturellement. Quant à ceux dont on sait déjà qu'ils sont des espions ou des agents d'influence, mais qu'on se contente de surveiller, Katrina tente de leur arracher des confidences. Sur l'oreiller ? Allons, monsieur Pello. Écoutez, il y a déjà un mari, deux amants, pourquoi pas d'autres, hein ? C'est en effet possible, mais je regrette de ne pas pouvoir satisfaire votre curiosité sur ce point précis. En tout cas, Katrina montre très vite qu'elle a un entregent exceptionnel et qu'elle s'est parfaitement insérée dans la bonne société américaine. Naturalisée, sans doute, grâce à l'un de ses amants, cette femme d'affaires agrandit le cercle de ses relations et investit le milieu politique. Le milieu politique, c'est-à-dire ? Elle a choisi le camp républicain. Ah oui, Ronald Reagan est au pouvoir. Oui, ça n'est pas un hasard. Et elle organise quelques-unes de ces grandes soirées-spectacles qui permettent aux partis politiques de drainer de l'argent. Ah, c'est donc maintenant une personnalité qui compte à Los Angeles. Incontestablement. Hein. Ouais. Et en même temps, bien sûr, elle n'oublie pas d'arrondir sa pelote en femme d'affaires avisée. Toutefois, malgré ses succès mondains, son amant, James Smith, est déjà en train d'imaginer la deuxième étape. Et c'est excessivement malin, et même très audacieux, mais je peux vous le dire tout de suite, l'habileté de la manœuvre de Smith va se retourner contre lui, sans doute parce qu'il a sous-estimé la subtilité de ses adversaires. Rendez-vous avec X. L'affaire Leung, on le verra sans déflorer la suite du récit de Monsieur X, fera l'effet d'un véritable traumatisme au sein du FBI. Et surtout que sa révélation interviendra après les manquements observés avant les attentats du 11 septembre. En 2003, Joshua Marshall analyse les causes de ses fautes dans une livraison du Washington Monthly. Si l'affaire Leung n'était qu'un faux pas appartenant à un passé lointain, elle serait peut-être moins gênante. Mais tel n'est pas le cas. Les failles mises en évidence par cette affaire offrent des similitudes frappantes avec celles qui ont été révélées par les enquêtes sur Heinrich Himes et Robert Hansen, des espions américains à la solde de l'Union soviétique. Il s'agit de problèmes relatifs à la sécurité de l'information dont le FBI a été averti à plusieurs reprises, mais qui n'ont jamais été réglés. Ce n'est pas là un simple immobilisme bureaucratique sans importance. Ces 20 dernières années, certaines informations capitales sur la sécurité nationale des États-Unis ont été transmises à nos deux plus grands adversaires et la raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour trouver les coupables est que le FBI n'appliquait pas ce principe de base de trou de travail d'espionnage qu'est le cloisonnement. Washington a toujours fait la sourde oreille, refusant d'apporter une solution au problème. Ces manquements répétés ont deux explications, l'une administrative, l'autre politique. Le FBI est chargé de deux activités incompatibles. Il doit effectuer à la fois un travail de police et un travail d'espionnage. Ces deux activités sont certes liées et se chevauchent parfois, mais les compétences, les stratégies et les tactiques mises en œuvre sont radicalement différentes. Alors, à quel jeu joue cet agent spécial du FBI, là, James Smith ? Katrina Lung lui a déjà rendu d'éminents services, mais il voit plus loin et il imagine tout simplement de faire recruter sa maîtresse par les services secrets chinois. Et donc d'en faire un agent double. Ainsi, pense-t-il, Katrina aura accès à des informations puisées à la meilleure source. D'autant qu'il ne doute pas que cette femme intelligente saura rapidement s'imposer comme une recrue de choix pour Pékin. À condition qu'elle fournisse à ses nouveaux employeurs des informations de qualité. Hein. Ah mais ça, Smith s'en chargera. Et pour appâter les Chinois, il leur transmettra via sa maîtresse des renseignements sûrs, au milieu desquels, bien entendu, il glissera quelques éléments de désinformation. Un jeu dangereux, mais enfin, relativement classique. Hein. Et en retour, il obtiendra des informations précieuses. J'imagine qu'avant de tenter une manipulation aussi hardie, Smith a dû en référer à sa hiérarchie. C'est certain, même s'il n'a pas donné tous les détails. Ouais, il voulait parler là, des rapports intimes qu'il entretient avec Katrina. Hein. Bien sûr. Et s'il fallait vous donner une seule preuve que ses supérieurs ont approuvé son initiative, je vous dirais que l'agent spécial Smith sera autorisé à rétribuer grassement son informatrice. Il y en aura pour des centaines de milliers de dollars. Ça veut dire en tout cas que les renseignements déjà apportés par Katrina sont jugés très intéressants. Hein. Et je vous en donnerai des exemples, mais... Et je vous l'ai laissé entendre, il y a le hic d'importance. Quoi ? C'est que la mystérieuse Madame Lung est déjà un agent de Pékin et depuis longtemps. Ah oui, elle n'a donc eu aucun mal à faire semblant d'être recrutée. C'est évident. Et pendant presque 20 ans, elle va réussir à abuser son amant et à torpiller de nombreuses opérations montées par le contre-espionnage américain. Mmh. Et le deuxième amant, là ? Cleveland ? Ouais. Il semble que sa liaison avec Katrina ait été moins assidue et surtout moins longue. Pourtant, sur le seul plan du renseignement, elle était très intéressante, car Cleveland sera nommé chef de la sécurité d'un laboratoire secret, l'équivalent sur la côte californienne du laboratoire de Los Alamos. Là où ont été conçues et expérimentées les premières bombes atomiques américaines. Et donc, grâce à son deuxième amant du FBI, Katrina a eu certainement accès à d'importantes informations, à une époque où les Chinois mettaient les bouchées doubles pour édifier leur propre arsenal nucléaire. Mais cet aspect a été laissé dans l'ombre par l'enquête des années 2000. Et Cleveland lui-même ne sera jamais vraiment inquiété. Ah, peut-être la crainte d'un scandale encore plus considérable ? On peut le penser. Quand Katrina Lung devient-elle officiellement, aux yeux du FBI, un agent double ? En 1984. Et cette femme entreprenante, c'est en tout cas ce qu'elle déclare à son amant américain, amorce une progression foudroyante au sein des services secrets chinois. Devenue persona grata en République populaire de Chine, elle multiplie les voyages et peut accéder aux plus hautes autorités. Elle revient donc chaque fois à Los Angeles avec des informations sensationnelles. Un seul exemple. Après les événements de Tiananmen, elle est l'une des premières citoyennes états-uniennes à se rendre à Pékin. Et elle fait une relation remarquable des aspects les plus secrets de cette sanglante répression. Eh ben, Smith doit être ravi. Hein. Et avec lui, toute la hiérarchie du FBI. Cette Katrina Lung est décidément une perle irremplaçable. C'est aussi pourquoi on ne rechigne jamais à la rétribuer généreusement. En outre, elle fournit aussi des renseignements de premier ordre sur l'organisation des services chinois. Et on ne la soupçonne jamais de jouer à un double jeu ? Non, d'abord parce que certaines de ces informations sont recoupées par des tuyaux obtenus grâce à un transfuge. Ensuite parce que, méfiance oblige, elle passe quand même parfois l'épreuve du détecteur de mensonges. Mais elle s'en sort toujours avec brio. Pourtant, il y aura plusieurs alertes. On va voir ça précisément. Attendez, parallèlement... Quelles sont les informations que Katrina donne aux Chinois, qui sont quand même, d'après ce que vous avez dit, ses employeurs prioritaires ? Grâce à Smith, qui lui fait une entière confiance, elle glane de nombreux renseignements qui, en principe, ne devraient pas sortir des bureaux du FBI. Et quand il le faut, elle se débrouille pour fouiller discrètement dans ses affaires. Par exemple, lorsqu'il dort profondément, après une soirée où Katrina a fait une démonstration de ses talents d'amoureux. Ouais, elle en profite pour ouvrir sa sacoche. Et micro-photographier les documents qui l'intéressent. Alors, la nature de ces informations qu'elle recueille, c'est très divers. Elle peut alerter les services chinois sur les menaces qui pèsent sur tel ou tel de leurs taupes. Elle suivra en particulier de très près l'affaire d'un scientifique sino-américain, spécialiste des simulations d'essais atomiques. Un personnage soupçonné de trahir. Oui, et Katrina informera Pékin au fur et à mesure du développement de cette affaire. Et c'est aussi elle, avez-vous dit, au début de cet entretien, là, qui informera Pékin que le Boeing présidentiel chinois est truffé de systèmes d'écoute. Elle peut aussi, et c'est plus grave, dénoncer des diplomates ou des hommes d'affaires chinois qui ont accepté de travailler pour les services américains. Elle renseigne également Pékin sur les activités des dissidents réfugiés aux États-Unis. Et en tant que représentante éminente de la communauté sino-américaine, elle est bien passée pour cela. Oui, parce que cette femme influente est aussi très respectée. Influente et riche. Et ça lui ouvre bien des portes et lui permet de collecter une foule de renseignements, y compris des informations politiques dont les services chinois sont très friands. Mais pour quelle raison, alors ? Pékin, à l'occasion, ne dédaigne pas d'essayer de se mêler des affaires politiques états-uniennes. Vous avez déjà dit que Katrina Leung, pour sa part, était engagée aux côtés des Républicains. En tant que collecteuse de fonds pour les campagnes électorales, oui. Mais ça allait aussi plus loin. Et c'était beaucoup plus malin. Je vous explique. Aux États-Unis, on a appelé cela le China Gate. La révélation, si je me souviens bien, que les démocrates avaient reçu de l'argent de généreux donateurs d'origine chinoise. C'est ça. Et ça a commencé de façon parfaitement anodine. Dans les années 80, le couple Clinton déjeune souvent dans un restaurant chinois de l'Arkansas. L'État dont Clinton est le gouverneur à l'époque. Oui, le patron de cet établissement devient un ami. Et bien souvent, les Clinton ne paient pas d'addition. Et puis un jour, ce patron de restaurant leur présente un vétéran de l'armée de l'air taïwanaise, un sino-américain nommé John Wang, qui est employé d'une grosse entreprise indonésienne travaillant avec plusieurs firmes chinoises. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est vrai. John Wang ambitionne de travailler pour l'administration américaine. Et il parvient à ses fins en intégrant le secrétariat d'État au commerce dont il devient conseiller pour la Chine. Et quand alors ? Avant 1993. Ah oui, donc avant l'entrée de Bill Clinton à la Maison Blanche. Parfaitement. Mais quand ce dernier est élu et entre en fonction, Wang se rappelle à son bon souvenir et ne tarde pas à être invité à la Maison Blanche. À partir de là, il va rapidement prendre du grade. Conseiller personnel du ministre du Commerce, il a alors accès à des documents confidentiels de son administration. Ce qui est extravagant, car en principe, seuls des citoyens nés aux États-Unis peuvent bénéficier de ce privilège. En même temps, l'entreprise indonésienne pour laquelle travaillait Wang voit entrer à son capital un important holding chinois. Donc une compagnie de la République populaire de Chine. Dont on apprendra un peu plus tard qu'elle est en réalité un faux-né du service de renseignement de l'armée populaire, la PL2. Or, Wang est resté lié à son ancienne entreprise. Alors on peut penser que les informations confidentielles qu'il glane au sein de son administration sont directement transmises à Pékin. C'est tout à fait ça. Et c'est déjà très embarrassant pour Clinton qui a encouragé l'ascension de son ami Wang. Mais cerise sur le gâteau, ce Wang n'en reste pas là. Et alors que se profile l'élection présidentielle de 1996, il effectue des dons au Parti démocrate. Ouais. De l'argent de son ancienne entreprise. Bien sûr. Ouais. Et ce n'est pas tout. Car ce petit monde a aussi réussi à introduire à la Maison Blanche d'autres généreux donateurs qui sont étroitement liés via des entreprises commerciales chinoises aux renseignements Pékin. Ouais. Ça ressemble à un piège, non ? Exactement. Et dans cette affaire qui deviendra le China Gate, il était certain que Bill Clinton a péché au moins par imprudence. Parce que, au-delà des bénéfices immédiats que tous ces Chinois ont retirés de leur proximité avec la Maison Blanche, il s'agissait aussi de compromettre le président. Et le cas échéant, d'affaiblir par là même le camp démocrate. Et c'est là où nous allons retrouver la mystérieuse Katrina Leung. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans son monumental ouvrage « Les services secrets chinois de Mao au JO », Roger Faligot a décortiqué ce « China Gate » évoqué par M. X. Je vous renvoie donc à la lecture de ce livre publié par Nouveau Monde. D'une façon générale, il semble bien que Pékin n'ait pas renoncé à ses manœuvres, en particulier aux États-Unis. En témoigne l'extrait de ce récent article du Washington Post, signé par John Pomfret. Il y a 10 ans, le Congrès américain avait accusé ouvertement la société chinoise Ocean Shipping Co. de servir de façade à des activités d'espionnage et s'était opposé à des projets d'agrandissement de son terminal portuaire à Long Beach, en Californie, de crainte que des agents chinois ne l'utilisent pour espionner les États-Unis. L'année dernière, le Congrès s'est montré beaucoup plus bienveillant envers le géant public chinois. Le sénateur démocrate du Massachusetts, John Kerry, a rédigé une résolution félicitant Ocean Shipping Co. pour les milliers d'Américains qu'elle emploie et sa contribution à la propreté des eaux de l'Alaska. La volte-face du Congrès en dit long sur l'influence colossale que la Chine a acquise au Capitole. Cette nouvelle prééminence est avant tout le fruit des actions sans cesse plus sophistiquées lancées par Pékin pour influencer le cours des choses dans le centre du pouvoir aux États-Unis. Quel rôle aurait joué Katrina Long là, dans ce China Gate ? Bon, il est presque certain, même si je n'en ai pas la preuve absolue, que la maîtresse de James Smith a la première informé le FBI que le Parti démocrate bénéficiait de largesses d'entreprises chinoises, des entreprises liées au service de Pékin. D'accord, mais c'était une révélation, contre-productive, parce que les Chinois avaient réalisé quand même un joli coup en infiltrant ainsi le pouvoir. C'est certain. Mais ils n'ont pu aller jusqu'au bout et leur manœuvre a fini par avorter. Clinton a réagi, oui. Oui, donc perdu pour perdu. Et puis à Pékin, on a peut-être estimé qu'il fallait désormais jouer le cheval républicain. D'autant qu'en 1996, on avait assisté à une nouvelle poussée de fièvre entre les deux pays, toujours à cause de Taïwan. Cependant, il y avait une autre raison. Katrina Leung était en danger. Par conséquent, il fallait tout faire pour la sauver. Et en livrant au FBI des informations essentielles sur ce financement de la campagne de Clinton par de riches Chinois, elle se refaisait une virginité et devenait d'un seul coup intouchable. Je comprends là. Mais concrètement, comment ça s'est passé alors ? Aussitôt informé par Katrina, et sans doute par le biais de James Smith, qui s'est ainsi donné lui aussi de l'importance, le patron du FBI, un homme qui avait pourtant été nommé par Clinton, a lancé une enquête de grande envergure. 300 agents spéciaux ont été mobilisés et Clinton aura bien du mal à se débarrasser de China Gate, qui va empoisonner son deuxième mandat. Et au fond, c'est peut-être l'affaire de Monica Lewinsky qui permettra de faire oublier ce qui menaçait de devenir un énorme scandale. Ouais, en tout cas, en 2000, c'est le républicain Bush qui sera élu. Hein. Après une consultation contestable. Mais c'est peut-être un autre sujet. Oui, vous avez raison. Alors, vous venez de me dire que Katrina Leung avait été en danger. Vous m'avez même parlé de plusieurs alertes concernant... Oui, de nombreuses reprises, Katrina Leung est passée très près du précipice. Et pourtant, elle ne pouvait pas être accusée d'entretenir des relations avec des espions chinois, puisqu'en principe, au moins, elle était devenue un agent double à la demande du FBI. Et c'est tout le paradoxe de cette affaire, tout en subtilité. Mais voyons ça de plus près. Le premier accroc se produit en 1987. Katrina commet une imprudence en téléphonant à un diplomate chinois du consulat de San Francisco. Elle lui demande de la rappeler depuis une cabine téléphonique, car elle sait qu'il est sur écoute. C'est tellement vrai que le FBI est tout de suite alerté et qu'il n'a aucun mal à identifier Katrina comme étant l'auteur de la communication. Ouais, ben j'imagine que Smith intervient. Et sans révéler précisément le rôle que joue sa maîtresse, il étouffe ce début d'enquête. Un peu plus tard, un autre fait met la puce à l'oreille du contre-espionnage. Des micros installés en secret dans l'ambassade chinoise de Washington sont très vite trop vite repéré par les techniciens de Pékin. Et le FBI pense aussi là, qu'il y a eu une fuite. Naturellement. Et certains enquêteurs acquièrent la conviction que Katrina est la source de cette fuite. Et une fois encore, enfin, j'imagine, Smith couvre son espion. Bien sûr. Si elle fournit des informations aux Chinois, c'est qu'elle espère en retour obtenir des renseignements encore plus importants. Et l'affaire en reste là. Ce qui signifie que ce Smith est vraiment très influent au FBI. Hein. Ben, on lui fait effectivement toute confiance. Et on renouvelle son autorisation de rétribuer grassement Katrina Long. Autre alerte? Oui, oui. Et elle est curieuse, car elle met en scène l'autre amant de Katrina, Cleveland, devenu chef de la sécurité d'un laboratoire nucléaire ultra secret. En 1991, cet ancien agent du FBI est envoyé en mission en Chine. Une mission officielle? Tout à fait. Or, à son retour, des agents du bureau lui font écouter une cassette d'un enregistrement effectué avant son départ en Chine. Mais de quoi s'agit-il? Le FBI a réussi à capter une conversation entre une femme, nom de code Liu, et un agent chinois. La femme donne des détails très précis sur la mission de Cleveland en Chine populaire. Et alors, en faisant écouter cette cassette, on demande à Cleveland s'il connaît cette voix féminine. Or, Cleveland, qui n'a eu aucun mal à identifier la voix de Katrina, dit ne pas la connaître. Mmh. Mais lui aussi, il est tenu par le fait qu'il a été, ou peut-être encore, l'amant de Katrina. Hein. Bien évidemment. Mais ce n'est pas fini. En 1996, une jeune femme censée superviser les activités professionnelles de Smith surprend ce dernier et Katrina à l'aéroport de Los Angeles. La Chinoise est venue chercher son amant de retour de Londres. Et la ferveur de son accueil ne laisse aucun doute sur la nature des rapports qu'ils entretiennent. Et pourtant, cette femme se taira. Plus étonnant encore, la même année, le FBI reçoit un tuyau très précis. Les services secrets chinois ont recruté une taupe au sein du bureau. Son prénom est Katrina. Ah ben, difficile d'être plus précis, là. Et pourtant, une nouvelle fois, Smith, chargé de l'enquête, parvient à discréditer cette information et affirme qu'il s'agit d'une affabulation. Et on le croit. Et au total, ce petit jeu aura duré plus de 20 ans. Mais avant de voir comment tout cela va se terminer, je voudrais attirer votre attention sur un épisode très étrange. Sans doute vous souvenez-vous de l'affaire Wen Ho Lee. C'est un savant atomiste d'origine taïwanaise qui a été accusé de manœuvres d'espionnage au profit de Pékin. Hein. Et nous avions consacré tout un entretien à ce dossier, ouais. Oui. Déjà, je vous avais parlé du rôle de Katrina Long. Rappelez-moi alors. Ce Wen Ho Lee aurait transmis au service chinois les plans d'une tête nucléaire miniaturisée. L'affaire a éclaté au moment de la publication du rapport Cox, du nom du président républicain de la Chambre des représentants. Un rapport accablant sur l'ampleur de l'espionnage chinois aux États-Unis. Et Wen Ho Lee, elle a donc été une victime de ce rapport? Apparemment, oui. Mais pourquoi cette nuance-là? Bah, d'une part, parce que Wen Ho Lee n'a pas été arrêté par hasard. En fait, il a été dénoncé. Et d'autre part, parce qu'on s'apercevra au bout de plusieurs mois que ce savant n'était nullement un espion et que les plans de cette tête nucléaire avaient déjà été rendus publics dans des revues scientifiques. Mais en attendant d'être quasi innocenté, le scientifique sera emprisonné plusieurs mois, fer aux pieds et soumis à un isolement total. Alors expliquez-moi ce mystère-là. En réalité, en livrant Wen Ho Lee, Pékin a entendu ouvrir un contre-feu à la fois pour égarer les enquêteurs américains, mais aussi pour démontrer que le fameux rapport Cox n'était qu'un tissu d'affabulation. Et vous allez bien sûr me dire que c'est Katrina Long qui a dénoncé ce savant. Indirectement, car comme d'habitude, c'est certainement Smith qui a été à la manœuvre en se servant des informations données par sa maîtresse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que par derrière, il y avait aussi une manœuvre très subtile à Pékin. La fuite des cerveaux inquiétait. Beaucoup trop de jeunes scientifiques partaient étudier aux États-Unis, mais préféraient rester là-bas à l'issue de leur parcours. Autant de diplômés qui faisaient ensuite défaut à la République populaire. Le ministre de la Sécurité a donc imaginé un subterfuge pour les inciter à regagner leur patrie. La dénonciation de Wen Ho Lee. Une dénonciation qui visait à persuader les scientifiques chinois en poste aux États-Unis qu'ils étaient tous suspects en raison de leurs origines ethniques et qu'ils risquaient d'être jetés en prison en tant qu'espions. Et il faut bien dire que la façon dont Wen Ho Lee a été traité est allée bien au-delà des espérances des organes de sécurité chinois. Effectivement, on a observé ensuite le retour au pays d'un certain nombre de scientifiques chinois. Mission réussie, donc. Et d'autant plus que les républicains états-uniens ont relayé l'opération en appelant à une véritable chasse aux sorcières dans les milieux scientifiques d'origine chinoise. Et comment la si brillante carrière de Katrina Long a-t-elle pris fin? À la fin 2000, James Smith a pris sa retraite. D'un seul coup, il devenait donc incapable de protéger sa maîtresse. Et au FBI, des agents plus curieux que d'autres se sont mis à éplucher les archives. Ils ont été étonnés par le nombre de fois où Smith était intervenu en faveur de son informatrice. Et en fouillant un peu plus, Ils ont découvert que Katrina était sa maîtresse. Et à partir de ce moment-là, les deux amants étaient en difficulté, peut-être même perdus. L'enquête a été longue. Et ce n'est qu'en avril 2003 que Katrina Lung a été arrêtée et incarcérée. Peu après, ça a été le tour de Cleveland et de Smith. Cependant, il faut noter que si les deux agents du FBI ont avoué, Katrina, elle, a tout nié. Elle a obtenu sa mise en liberté provisoire contre le versement d'une importante caution. La suite est assez étonnante. Smith, ayant accepté de coopérer avec les enquêteurs, a obtenu que soient abandonnées contre lui les charges les plus accablantes. Autre avantage pour les autorités, on pouvait ainsi traiter l'affaire dans les meilleures conditions de discrétion. Oui, le linge sale a donc été lavé en famille. Restait quand même le cas de l'espionne. Oui, mais ses avocats, faisant état de l'accord de défense conclu avec Smith, ont évoqué un vice de procédure. Résultat, le dossier de l'accusation s'est écroulé. Et la belle chinoise n'a écopé que d'une amende pour avoir rempli de fausses déclarations de revenus. Et officiellement, en tout cas, on n'a jamais parlé d'espionnage. Mais il me vient quand même une dernière question, là. Smith, cet as du FBI, ne s'est-il pas rendu compte que sa maîtresse était en fait une taupe de Pékin? Il ne fait aucun doute qu'il l'a soupçonnée. D'après des notes retrouvées chez lui après son arrestation, il aurait même tenté à plusieurs reprises de la faire avouer. Résultat? Au moins une fois, Katrina a craqué et reconnu qu'elle le trahissait au profit de Pékin. Mais elle a aussitôt trouvé la parade. Ses employeurs chinois, lui a-t-elle dit, ont découvert qu'elle entretient des rapports intimes avec lui. Et si elle leur communique des informations, c'est parce qu'ils la font chanter. Et Smith avale ce bobard? Ah, l'amour, monsieur Penaud. Smith s'est aveuglé. Et il ne veut pas en savoir plus, d'autant qu'il est lui-même fautif, puisqu'en couchant avec Lung, il a enfreint toutes les règles du bureau. Et il lui faudra attendre sa propre arrestation à celle de Katrina pour enfin voir clair et véritablement rompre avec sa maîtresse. Un livre pour terminer, FBI, l'histoire du bureau par ses agents, de Fabrizio Calvi. Une impressionnante enquête et une série documentaire sur France 5 dont, je suis certain, Monsieur X ne tardera pas à nous reparler. Ce gros volume est édité par Fayard et, confirmant en partie certaines des hypothèses de mon interlocuteur, il mentionne bien évidemment l'histoire de Katrina Lung. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez consulter la bibliographie et la musicographie utilisées dans cette émission. Merci à Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou, un petit air de nature.